La chronique bien-être. Bienvenue sur Radioactive dans la chronique bien-être. Antoine Joulin, votre sophrologue, et je suis aussi aujourd'hui avec Joanne Joubert, lithothérapeute. Et aujourd'hui, on interview Mathieu Marzeau de l'association Syria Tour, Syria World. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux tout simplement nous expliquer d'abord ce qu'est Syria, Syria World, Syria Tour? Alors, Syria World, en fait, c'est un collectif d'associations. Donc, Syria Tour, c'est une des associations, une des antennes. On en a plusieurs en France. Il y en a une à Montréal aussi, en Islande. Et en France, on est à Vichy, Paris et Tours. Donc, moi, je représente Syria Tour. On est une association, on fait du yoga principalement, c'est notre activité principale. Et puis on essaie d'avoir une activité aussi autour de la solidarité en local et à l'étranger aussi, d'essayer de faire des actions autour de l'humanitaire ou autour de l'écologie. D'accord, donc vous avez bien compris, aujourd'hui on va parler de yoga. Et justement, pourquoi le yoga? On pourrait dire que c'est une simple gymnastique, etc. J'aimerais rétablir quelques petites vérités. Comme on avait fait une précédente chronique sur sophrologie vs yin yoga, là on va aller dans le cœur du yoga. Et Mathieu, justement, est-ce que avant tu peux nous raconter ton parcours qui t'a emmené justement au yoga et à ton actuelle profession? Donc, est professeur de yoga. Moi, mon parcours, il a commencé en Inde, en fait, avant de commencer avec le yoga. C'était déjà un amour pour l'Inde, une passion pour l'Inde, pour ce pays, pour cette culture. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens qui étaient paradoxalement pas des Indiens, mais en tout cas des gens qui étaient passionnés aussi par les pratiques en Inde, dont le yoga et la méditation. Et c'est leur façon dont ils m'ont parlé du yoga qui m'a vraiment parlé, qui m'a séduite, en fait. C'est une approche du yoga qui est assez intégrale, très complète, qui travaille pas que sur le corps, mais aussi sur l'esprit, sur la respiration, sur le service aussi. Et donc, je suis rentré dans le yoga par cette école-là, donc c'était Surya, à l'époque, en 2015. Et donc, je suis rentré dans le yoga à la base par ce voyage en Inde où je les ai rencontrés, en fait. Et donc, quand tu dis que tu es rentré dans le yoga, tu es rentré tout de suite et as voulu être professeur ou tout simplement tu voulais une pratique de yoga ou le yoga comme art de vivre? Moi, j'ai jamais voulu être prof. À la base, c'était pas mon programme. Je viens de la vidéo à la base. J'étais en Inde pour faire de la vidéo et je cherchais une pratique spirituelle aussi. Je cherchais une pratique de développement personnel. C'était une des raisons aussi pour lesquelles j'ai choisi l'Inde sur ce voyage. Et effectivement, c'est pour d'abord pratiquer. Et c'est en pratiquant qu'au bout d'un moment, à force de pratiquer et de me former, j'ai eu envie aussi de partager et de commencer à enseigner cette pratique. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous dire justement, en plus de cette pratique, qu'on pourrait tous penser de physique, généralement on pense yoga, on pense tout de suite tapis, posture, poirier, etc., etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette pratique? En fait, le yoga est devenu à la mode en Occident, d'abord en Amérique et puis après en Europe dans les années 2000. Et c'était avant tout une pratique physique. C'était la culture du corps à travers des pratiques très gymniques. Et progressivement, on s'est détaché un peu de cette pratique qui était représentée surtout par l'Ashtanga Yoga à l'époque et qui est devenue aujourd'hui, je pense, est en train de changer un petit peu, mais on commence à prendre conscience aussi un peu plus de nos problématiques psychiques, de nos problématiques émotionnelles, de ce qui se passe aussi en nous, dans notre corps, dans notre cœur, dans notre tête, dans notre relation aux autres, et donc on se pose des questions. Et le yoga, c'est beaucoup plus qu'une pratique physique. Normalement, c'est censé être une pratique qui répond à ces questions un peu existentielles de qui suis-je, qu'est-ce que je fais ici sur cette planète, c'est quoi le but de la vie, en tout cas le but de ma vie, comment trouver un sens aussi dans notre vie, comment retrouver de l'harmonie et du bonheur dans notre vie, dans notre rapport aux autres, dans notre rapport à ce qu'on fait, notre fonction dans ce monde, dans cette société. Donc c'est un discours philosophique sur le bonheur et sur comment retrouver de l'équilibre et de l'harmonie dans notre vie, en passant par des pratiques physiques aussi, parce qu'on considère que on ne peut pas être pleinement épanoui et heureux si on manque de souplesse, que ça circule mal dans le corps, qu'il y a des blocages à certains endroits. Donc le travail sur le corps est important, mais il doit nous emmener vers un travail sur le souffle, ce qui permet à la circulation de l'énergie de se faire dans le corps, de pouvoir se sentir mieux aussi, la respiration c'est quand même très important, qui nous emmène ensuite vers un travail plutôt sur les émotions et sur la concentration avec la méditation. Et donc la méditation c'est un peu la pointe de la pyramide de la pratique dans le yoga, qui, les pratiques du yoga culminent normalement dans la méditation. Donc c'est un protocole, un processus par étapes où on travaille un peu sur tous les segments de ce que nous sommes avec nos différentes couches. Donc la couche physique, la couche émotionnelle, la couche mentale, la couche sociale aussi. Oui, ça a son importance aussi. En fait, on n'est pas égocentré. Ouais, c'est une pratique sur soi pour pouvoir ensuite partager aux autres et retrouver de l'équilibre aussi dans notre vie, dans notre rapport aux autres. C'est pour ça aussi que dans l'association, on essaie de mettre l'accent beaucoup sur le lien social, sur des actions solidaires, sur de la gratuité aussi pour les gens qui ne peuvent pas se payer du yoga, sur des événements un peu plus à portée sociale, enfin de sociabilisation avec les yoga brunch ou des choses où les gens peuvent se retrouver aussi, pas que autour d'un tapis et d'une pratique, mais aussi autour d'un moment partagé, parce que c'est important de pouvoir se retrouver avec des gens, on appelle ça satsangam dans le yoga, ça veut dire se réunir avec une communauté de gens qui nous poussent vers le haut, qui nous tirent vers le haut, qui nous font du bien. Donc c'est un peu ce qu'on essaie de faire aussi à travers certains événements où on se retrouve, et puis il n'y a pas de thème particulier, mais on parle de ce qu'on veut, mais en général on parle de choses qui nous animent, et on en ressort toujours un peu mieux. C'est super intéressant. Et je vois, en tant que sophrologue, c'est un peu de la triche, et que Caicedo avait cherché énormément de pratiques par rapport au yoga. Et on retrouve dans souvent toutes les thérapies alternatives qu'on a été creusées jusqu'à là. C'est le souffle, en fait. Tu parlais du souffle. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la respiration ? Ouais, jusqu'où on va ? La respiration, c'est biologiquement, c'est un échange gazeux. Dans le yoga, on considère que c'est aussi ce qui nous permet de capter l'énergie qui nous vient du soleil. Que le soleil nous envoie une énergie qui est captée par la terre, en fait, qui est transformée par la terre, donc à travers le règne végétal, et que nous, on va capter. Et donc on va se régénérer dans notre corps au niveau énergétique. Donc l'énergétique, c'est pas forcément des trucs... spirituel. Ouais, c'est, je trouve pas le mot ésotérique, quoi, on va dire. C'est l'énergie, c'est pour bouger un corps, il faut de l'énergie. Pour lever le bras, il faut de l'énergie. Pour faire du sport, il faut de l'énergie. Quand il y a une dépression ou un problème aussi un peu d'ordre psychique, c'est aussi un problème énergétique. Il y a de l'énergie au niveau du mental qui est peut-être un peu sous-alimenté ou voilà, qu'il faudrait complémenter. Et donc la respiration, c'est le moyen, l'outil à travers lequel on peut capter de cette énergie-là et la faire mieux circuler dans le corps pour travailler sur les différentes couches du corps physique, pour avoir l'énergie de bouger, de faire du sport, mais aussi sur notre couche psychologique et nos émotions. Donc c'est le pont aussi, c'est le lien entre, pas que entre l'intérieur et l'extérieur quand on respire, mais aussi entre nos émotions et comment on vit, comment on se ressent et comment on va pouvoir retrouver un petit peu plus d'harmonie et de paix. Donc il y a tout un... En fait, on parle souvent des postures physiques dans le yoga, mais sur la partie respiratoire, il y a autant de théories et de développement et de recherches sur cette pratique-là. C'est des pratiques qui peuvent aller très loin, jusqu'à des rétentions très longues ou des changements de respiration avec des rythmes, des patterns un peu respiratoires particuliers qui vont produire des choses particulières dans la conscience. Où au début, le but, c'est de trouver déjà un peu de calme, un peu de paix, un peu de sérénité, de retrouver un peu plus d'apaisement émotionnel, de calmer le mental. C'est un peu le principe de base déjà du yoga, de calmer le mental. Et après, aller plus vers de la transcendance. Et là, on peut rentrer sur quelque chose de plus spirituel avec des pratiques des yogis avancés, quoi, qui avaient des pratiques respiratoires très, très poussées, qui pouvaient produire des choses dans la conscience, éveiller certaines parties du cerveau, faire des trucs assez avancés, quoi. Ça donne vraiment envie d'explorer de plus en plus cet univers. Alors je vais en profiter pour poser une question donc à Joanne Joubert. En tant que lithothérapeute, tu nous avais parlé des chakras par rapport à la position des pierres sur les chakras. Est-ce qu'on peut faire un comparatif entre le yoga et justement la lithothérapie ? Alors déjà bonjour à tous. Oui, je pense qu'on peut faire un parallèle puisque en fait les minéraux, l'intérêt des minéraux, c'est de relever un peu le taux vibratoire de la personne. Donc on parlait d'énergétique. Donc on est un peu en lien là-dessus. Et effectivement, on va positionner les pierres sur des points précis du corps et pour justement augmenter l'harmonie générale et l'homéostasie, donc l'équilibre interne du corps et avec l'extérieur. Donc je ne sais pas si Mathieu serait d'accord avec moi. Enfin, que penses-tu toi des chakras justement ? Est-ce qu'on en fait trop sur les chakras ? On en fait carrément trop. On en dit beaucoup trop. On en parle beaucoup, mais on n'y connaît pas grand-chose en fait. C'est un peu, voilà, c'est un peu mon ressenti. En fait, les chakras, il y a de la littérature dessus qui parle des chakras depuis très longtemps. Donc c'était sur un papier en 2D déjà, donc sur une forme particulière, qui sont pas forcément représentatifs de ce qui se passe concrètement dans le corps. Mais si on devait résumer un chakra, en fait, vraiment pour casser le mythe, c'est juste des endroits. Les Chinois, par exemple, nous parlent à travers la médecine chinoise des méridiens. Dans le yoga, on parle des nadis. Un chakra, c'est juste un carrefour énergétique où il y a plusieurs croisements de ces chemins là d'énergie qui passent dans le corps, et donc ça crée comme un rond-point, un peu un centre où il y a un petit peu plus d'énergie qui circule qu'ailleurs dans le corps. Donc il y a des centres un peu clés, on dit qu'il y en a 7, il y en a qui disent qu'il y en a 5 aussi dans le yoga, ça dépend des lignées, il y en a qui disent qu'il y en a 9, hein, on trouve aussi différentes explications. On n'a pas grand chose à y faire en fait au chakra. Il y en a qui pensent qu'on peut les ouvrir, les fermer, que quand on se sent pas bien ils se referment, quand on se sent bien ils s'ouvrent. Je suis pas convaincu. Je pense que surtout le but c'est de trouver de l'harmonie dans notre corps, dans notre ressenti à nous, dans comment on se sent intérieurement. Et les chakras c'est juste des fleurs qui sont censées s'ouvrir quand c'est la bonne saison. Et donc le but du yoga c'est juste de mettre en place toutes les conditions pour qu'elles puissent s'épanouir naturellement, et il n'y a pas à chercher à forcer leur éveil. Ça s'ouvre quand ça s'ouvre, quoi. C'est voilà. Je suis tout à fait d'accord, étant un néophyte du yoga, mais je pense qu'effectivement on en fait un peu trop. Ouais, je peux rajouter un truc aussi sur la pratique du yoga, qui est une pratique où il y a beaucoup de théories, beaucoup de lignées, beaucoup de choses aussi au niveau philosophique. Mais avant tout, la pratique du yoga, parce qu'on parlait un petit peu des chakras, on parlait de différentes choses. L'énergie, tout ça. En fait, de base, le yoga, ce qui est dit, c'est que c'est une pratique qui est censée être faite par l'expérience directe. Donc on peut en dire ce qu'on veut. Les grands yogis peuvent nous dire ce qu'ils veulent, des états supérieurs, de samadhi, toutes ces choses-là. En fait, tout ce qu'ils nous disent, et c'est représenté souvent avec l'image que j'aime beaucoup de comment expliquer à quelqu'un le goût de la mangue, quelqu'un qui n'y a jamais goûté. C'est un peu ça le yoga, c'est on peut dire ce qu'on en veut, essayer d'expliquer, de se rapprocher un peu de la réalité vers laquelle c'est censé nous emmener, mais il va falloir faire l'expérience directe de ces choses-là pour vraiment le comprendre et le vivre. Si on ne l'a pas vécu, c'est juste des mots. Et l'idée, c'est vraiment d'en faire l'expérience. Donc ça, c'est pour ça aussi qu'on passe par le corps, par les sens, parce qu'on est censé aller des sens vers la conscience. Et c'est une expérience personnelle qui nous est propre. Et même les yogis, entre eux, ceux qui ont atteint des niveaux un peu de réalisation, un peu avancés, parfois ne sont pas tout à fait raccord sur certains petits détails, mais parce que c'est leur expérience à eux, et chacun fera son expérience. J'ai une question sur les nouvelles pratiques du yoga. On entend parler souvent d'acro-yoga. On a aussi des mouvements nouveaux aux États-Unis. On a par exemple le goat yoga, ouais. Le yoga chèvre, ou également le drunk yoga. Il y en a qui voilà, vont boire un verre de vin. Beer ensuite, yoga, ouais. Vous avez beer yoga aussi, ouais. La bière, mais aussi le vin. Ok, et je ne connaissais pas. Si, il y a le vin. Donc on va boire un verre de vin, ensuite on va faire une pratique de yoga, et en fait le vin va en fait dynamiser la dopamine. Est-ce que tu penses que ces pratiques sont intéressantes? Est-ce que c'est une bonne évolution du yoga pour toi? Qu'en penses-tu? Je pense que la question est un peu télescopée. Évidemment, je pense qu'il y a des mélanges qui ne sont pas bons à faire. Aujourd'hui, le yoga, il est un peu en perdition, mais ou en dépravation. c'est un peu gros, mais il y a effectivement des mélanges qui sont, je pense, le reflet d'un besoin de divertissement dans notre société et de mettre le plaisir et la liberté individuelle avant la recherche d'authenticité et de discipline et de travail sur soi. Et ça, c'est un gros problème dans le yoga, parce que c'est avant tout une pratique de discipline, d'autodiscipline. Et donc comme on n'a plus de discipline aujourd'hui avec les réseaux sociaux qui nous flinguent notre capacité de se concentrer, notre capacité de faire des efforts, parce qu'on a aussi un peu tout de suite, la dopamine tout de suite, il suffit d'allumer TikTok et on a de la dopamine en illimité. Donc le yoga va un peu à l'encontre de ça normalement. C'est reprendre un peu le taureau par les cornes et essayer de revenir sur une autodiscipline qui demande des efforts, qui demande du temps aussi, parce que travailler sur soi, ça prend du temps. On n'a pas les résultats du yoga tout de suite. On va se sentir bien après une séance, évidemment. Mais si on veut vraiment amener une transformation profonde de soi, de notre conscience, de notre personnalité, de nos problèmes, de nos déconditionnements, toutes ces choses-là qu'on a envie d'emmener, ça prend du temps, ça prend des années, et ça prend des années de régularité. Au moins un cours par semaine, mais ça demande aussi de pratiquer un peu chez soi, de se poser des questions sur nous-mêmes, sur ce qui ne va pas, sur ce qu'on peut changer. Donc ça demande vraiment une investigation, un effort et une discipline. Et le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on ne veut plus de discipline. Alors comme on ne veut plus de discipline, bah, on rajoute des chèvres, on rajoute de la bière, on rajoute... j'ai vu un truc, mais je crois que c'est une blague, le gun yoga avec des flingues en Amérique. Ça part dans tous les sens. Il y a aussi un plus sérieux, mais du yoga danse, il y a acro-yoga, il y a plein de choses. Donc c'est intéressant dans le sens où on va utiliser la partie posturale du yoga pour faire des choses qui nous font plaisir. Et moi-même, je viens de la gym et j'adore les trucs un peu acrobatiques, j'aime bien faire des postures un peu compliquées, mais je mélange pas, quoi. Quand je fais ma pratique de yoga, c'est yoga. Quand je veux faire des trucs un peu plus fun, je m'amuse à faire des postures marrantes et essayer de faire des trucs un peu poussés. Parce que c'est fun, mais j'appelle pas ça du yoga, c'est du divertissement. Après, c'est bien, le divertissement est important aussi, il faut se faire plaisir. Dans le yoga, dans l'hindouisme, ils ont un concept où ils considèrent que notre vie, c'est comme un cercle avec quatre quartiers. Il y a Artha, Dharma, Kama, Moksha. C'est comment équilibrer notre journée et notre vie avec les bons éléments. Artha, c'est ce qui nous permet de gagner notre vie, notre travail, notre profession. Dharma, c'est ce qui doit être fait, donc ça, la justesse, faire l'action juste, qui peut se répercuter sur les autres aussi, mais c'est essayer de trouver une voie un peu de service ou d'aide envers les autres ou d'altruisme. Kama, c'est le plaisir. Donc c'est se faire plaisir, avoir du divertissement, se marrer, aller au ciné, voir les potes, faire ce qu'on veut, ce qui nous du de l'acro-yoga si on veut. Et moksha, ça veut dire la réalisation, ou la libération, c'est une pratique spirituelle qui est censée nous élever, nous éveiller, nous aider à évoluer intérieurement et spirituellement. Donc moi j'essaye de pas mélanger kama et moksha. Quand je me fais plaisir et j'appelle pas ça du yoga. Et le yoga pour moi c'est une pratique sérieuse qui est censée emmener un effet, un impact particulier sur ma conscience pour pouvoir évoluer, croître intérieurement sur mes perceptions, sur ma connexion aux autres et au monde, sur mon regard sur moi-même et puis enlever tout ce qui va pas au maximum. On parle principalement de l'ego dans le yoga, mais c'est aussi tout, je l'ai déjà dit, mais tous nos conditionnements, tout ce qui nous empêche d'être pleinement heureux, équilibré et d'être dans un bonheur durable aussi. Parce que souvent on est dans une forme plutôt de bonheur éphémère qui est lié à un plaisir souvent lié à l'extérieur à travers quelque chose lié au sens. C'est ça un peu la philosophie du yoga. Par exemple, je me fais un bon resto, ça fait plaisir, et puis au bout d'un certain temps j'ai envie de m'en refaire un parce que le plaisir est parti, ou rencontrer des gens avec des applications de rencontre, ou on peut trouver du plaisir à travers tout un tas de choses qui sont très souvent liées à l'extérieur. Et c'est pour ça, le yoga nous dit que c'est à cause de ça qu'on est malheureux, c'est qu'on va chercher le bonheur à l'extérieur. Et donc on court extérieurement à travers tout un tas d'expériences liées au sens. Et le yoga nous dit qu'il faut revenir en nous-mêmes pour trouver le bonheur à l'intérieur, qui dépend plus d'aucun facteur externe. Et donc ça demande de creuser, d'aller voir vraiment en nous et de trouver cette source-là de bonheur qui est stable. Alors tu veux dire que le bonheur est intérieur, mais qu'en même temps, on vit quand même dans un monde fait de gens, de sensations, de tentations. Ouais. Mais c'est intérieur, mais en même temps, on garde cette intériorité-là, mais on va dans le monde extérieur. C'est ça que tu veux dire ? J'ai du mal à saisir, en fait, le Il y a plusieurs approches dans le yoga. Là, on va rentrer dans les trucs un peu philosophiques et les courants philosophiques un peu plus poussés. Il y a plusieurs écoles. Il y a les écoles dualistes et non dualistes, par exemple en Inde. Il y en a qui considèrent que le monde est une illusion et qu'il faut renier tout ce qui est externe et tout ce qui est en lien avec les plaisirs des sens, et que rien de tout ça n'existe et n'a de valeur, et donc il faut rester en soi et chercher Dieu pour Dieu et rester connecté à Dieu et renier l'extérieur et le monde. Ouais. Et il y a une approche un peu plus, celle qui se rapproche plus de la Bhagavad Gita par exemple, qui est plutôt non dualiste. C'est celle qui me parle le plus, où on considère que Dieu Dieu, on l'appelle comme on veut, la vie, l'univers, l'intelligence cosmique, enfin on l'appelle comme on veut, en gros le divin et la vie ne sont pas séparés, et qu'on peut trouver Dieu en toute chose, et qu'il faut essayer de sacraliser chaque chose. Donc chaque action, chaque acte, chaque pensée, chaque activité, tout ce qu'on va faire, il faut essayer de le considérer comme sacré, comme un acte de service envers le monde, envers la vie. Et j'aime beaucoup ça. Du coup, ça veut dire qu'il faut pas avoir un regard un peu négatif sur ce qu'on peut trouver dans le monde extérieur. Il n'y a rien, il n'y a pas de regard moralisateur sur le plaisir ou quoi. On peut le vivre, mais il faut le vivre avec la bonne intention. Et il faut vivre les choses. On est là aussi pour faire des expériences et avoir une vie épanouie. Donc il ne faut pas renier tout ça. Mais il faut savoir que ce n'est pas forcément les expériences à l'extérieur, par l'essence, qui vont nous combler d'un bonheur durable. Ce sera un bonheur éphémère. Donc le bonheur qui jaillit de l'intérieur, il y avait un grand sage par exemple qui s'appelait Sri Aurobindo, qui a eu des expériences de vie particulières, c'était pendant la colonisation indienne, et son frère faisait un peu, il était dans la rébellion et construisait des bombes pour faire des attentats contre les Anglais dans le jardin de son frérot, et donc ils se sont fait arrêter tous les deux, et donc il a fini en prison. Lui c'était un sage, un poète, un philosophe, c'était quelqu'un qui était plutôt tourné vers le bien. Et en fait, en prison, là où il était dans des conditions vraiment déplorables, il n'avait pas à manger, il était sous le soleil, sans eau, enfin c'était terrible, il a frôlé la mort. Et pourtant, c'est là où il a eu les expériences spirituelles, de connexion à quelque chose de grand en lui, et d'une espèce de connexion à un bonheur transcendant. En fait, c'était en prison qu'il a eu ses plus grandes expériences là. Donc son bonheur à lui intérieur, un des moments les plus culminants de sa vie, n'a pas été corrélé à un environnement et un cadre de vie très stable et très épanouissant. En fait, c'était dans les moments les plus difficiles qu'il a pu se connecter à quelque chose de très profond. Donc en fait, le bonheur extérieur et le bonheur intérieur sont deux choses différentes. On peut trouver un pont entre les deux. C'est le but, je pense, aussi, de trouver de l'harmonie entre les deux. On ne va pas tous finir en prison pour avoir d'expérience spirituelle. Si on peut trouver le bonheur dans notre vie tous les jours, c'est mieux. Mais voilà, c'est ça que j'aime bien sur la philosophie du yoga, c'est ce discours sur comment trouver le bonheur et comment réduire au maximum tout ce qui fait qu'on ne le trouve pas. Donc en fait, les plaisirs faciles sont parfois finalement des pièges pour l'esprit, en quelque sorte. Et on dirait qu'il y a l'idée quand même d'un effort pour chercher, trouver le bonheur. Ouais, moi je pense qu'il faut pas avoir un regard moralisateur sur le plaisir facile. Il faut se faire plaisir. On parle aussi souvent de plaisir qui nous mène aussi à la sexualité. Comment est considérée la sexualité, justement, la pratique du yoga en tant qu'art de vivre? C'est le mal. Non, je plaisante. Très bien, mais encore. Non, justement, c'est ça aussi que j'aime bien dans le yoga, c'est qu'il n'y a pas de regard moralisateur sur quoi que ce soit. C'est vraiment des choses purement énergétique, et qu'est-ce qui se passe, quoi. Est-ce que c'est bien pour mon développement ou pas? Il n'y a pas de « est-ce que c'est bien vis-à-vis de la société ou pas ?» Pourtant, dans une société indienne qui est très moralisatrice et très chaste et très prude, et voilà, donc il y a un regard quand même de la société sur le sexe en Inde qui est très compliqué, on sait. Mais dans le yoga, pas forcément. Déjà, plaisir et bonheur, c'est deux choses différentes. Donc si on cherche le bonheur, c'est le but du yoga. Le plaisir n'est pas forcément le moyen pour aller vers le bonheur. Le plaisir, comme on a dit tout à l'heure, c'est éphémère. Le bonheur, c'est censé être vraiment quelque chose de profond et qui dure. La sexualité, c'est en lien principalement avec le plaisir. Ça ne va pas nous combler de bonheur. Et il peut y avoir même des dérives derrière, avec de l'addiction, avec des choses qui sont du coup négatives. Donc, le plaisir, c'est bien. Ça fait plaisir. Mais le yoga ne va pas ni avoir un regard moralisateur, ni aller vers ces pratiques-là, normalement, parce que c'est pas ça qui va nous emmener vers une transcendance et une évolution intérieure. Donc il n'y a pas de problème avec ce sujet, mais c'est pas une voie d'évolution qui portera des fruits. C'est pas une pratique, en fait. Mais ce n'est pas interdit non plus. C'est pas interdit non plus, et il y a même des écoles, des lignées qui vont là-dedans. Alors ça a été un peu mal compris en Occident, parce que nous, dès que ça parle de ce genre de choses-là, on est content, on est friand, on prend et on enlève toute la partie disciplinaire, et on garde que on peut faire des pratiques sexuelles et c'est du yoga et ça m'intéresse, je prends, et on garde que le côté sexuel et on enlève tout le reste. Donc ça donne aujourd'hui, quand on parle de tantra par exemple aujourd'hui, on pense aux pratiques sexuelles, alors qu'en fait c'est une infime partie dans le tantra. Il y a 95% du tantrisme, c'est de la méditation, de la visualisation et des pratiques purement chastes et de développement personnel, enfin spirituel. d'éveil de conscience en tout cas. Mais il y a une toute petite partie dans une lignée, dans une branche, qui parle de certaines choses comme l'utilisation du sexe afin de, d'atteindre certains états de conscience. Mais ce n'est pas le sexe comme on l'entend en fait, c'était une forme de certaines pratiques. Et qui utilise aussi l'utilisation de la viande, et donc du cadavre, et l'utilisation de l'alcool pour certaines pratiques. Mais c'est une voie vraiment obscure, lointaine, ancienne, très minime dans ces voies-là. Et donc nous, on a vu sexe, on a fait « ouais, je fais du tantra, on peut faire des massages tantriques ». Donc ça n'a rien à voir avec traditionnellement les pratiques qu'ils proposaient. Le tantrisme est une voie extrêmement pointue, intéressante, qui vient du nord de l'Inde, qui est magnifique. Mais il ne faut pas résumer le tantrisme au sexe, si c'est un peu derrière la question. Tout à fait. Voilà. Oui, je voulais également savoir si tout le monde pouvait faire du yoga, parce qu'il y a des gens qui ne sont vraiment pas souples. Est-ce que la souplesse fait partie d'un état d'évolution dans la conscience pour progresser en yoga, ou c'est quelqu'un qui n'est pas du tout souple, sera toujours bloqué finalement dans sa progression intérieure? C'est une bonne question, parce que c'est une question qui revient tout le temps. Il y a beaucoup de gens, encore aujourd'hui, qui disent « je ne suis pas souple, je ne peux pas faire du yoga », rien à voir. Je cherchais tout à l'heure, là, dans un bouquin, le nom d'un grand sage, on les appelle les rishis, c'était vraiment un grand sage qui a marqué l'histoire. J'ai perdu son nom, désolé, mais il était handicapé, il portait un nom qui voulait dire, je crois, l'homme sans ses membres ou un truc comme ça, en sanskrit. Et donc c'était très certainement dans l'histoire un des premiers yogis, en tout cas un grand yogi qui était handicapé, qui devait être paraplégique ou je ne sais pas ce qu'il avait, mais en tout cas il était considéré comme handicapé moteur. Et pourtant il était considéré comme un grand yogi réalisé, qui avait une sagesse énorme et qui était quelqu'un de très avancé. Donc nous on n'est pas des yogis encore, mais en tout cas on peut faire du yoga, quelle que soit notre condition physique. Il n'y a aucun prérequis et on va gagner en souplesse et tant mieux, mais c'est pas le but, et on va surtout essayer de s'assouplir l'esprit et puis de travailler sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, sur nos émotions, sur les différentes couches de nous-mêmes. Donc tout le monde peut faire du yoga. J'ai donné des cours aussi pendant plusieurs années dans un IME pour des handicapés physiques et mentaux. Donc on peut faire du yoga quel que soit notre condition en fait. C'est au contraire, et c'est là où ça devient intéressant aussi le yoga, c'est que c'est une pratique qui est vraiment individualisée à chacun. Après, c'est au départ on prend des cours collectifs, et après si on veut vraiment avancer, c'est à travers les cours particuliers de temps en temps, et surtout avec notre, en fait le cours particulier est censé donner une pratique qu'on va faire chez soi après, mais qui est vraiment adaptée à soi. Et donc c'est pour ça qu'on parle d'autodiscipline, parce que c'est vraiment chez soi qu'on va faire notre pratique qui nous correspond, en fonction de plein de critères, de nos prédispositions, de la souplesse de notre corps, du temps qu'on a disponible, de notre âge, de notre sexe, de notre même nationalité, de notre volonté d'avancer, de notre besoin de recherche, tout ça, il y a plein de critères à prendre en compte. Et donc le yoga est censé s'adapter à ça. C'est comme ça qu'il l'enseignait Krishnamacharya, il disait, c'était un peu sa phrase clé, c'est le yoga est censé s'adapter à tout le monde, à chacun, et pas l'inverse. C'est pas à nous, comme dans certaines écoles qu'on a vu après apparaître, où il y avait une séquence de posture, il fallait rentrer dans la séquence de posture, et tant que tu réussissais pas à maîtriser la posture parfaitement, tu passais pas à la prochaine posture. Donc on était obligé de se caler dans un moule de posture yogique, enfin de posture physique en tout cas, et normalement, traditionnellement, c'était l'inverse, c'était au yoga de s'adapter à chacun. Donc le yoga, finalement, c'est de la discipline, mais aussi de la souplesse, d'une certaine manière. C'est, ouais, une souplesse dans le sens où ça s'adapte. Oui. C'est pas de la souplesse physique. Il n'y a pas besoin de souplesse physique. Ouais, ouais. Oui. C'est de la discipline, c'est un travail essentiellement sur la volonté. C'est pour ça qu'on dit que c'est une pratique qui fait monter le feu, le yoga, normalement, parce qu'on est censé cultiver cette volonté-là. Aujourd'hui, c'est d'autant plus d'actualité dans le besoin de l'humanité, je pense, parce qu'avec les réseaux sociaux, on a une volonté complètement cassée, quoi. On a plus de volonté, on a plus de discipline, on a plus de rapport à l'effort. Et je sais que c'est difficile à entendre pour beaucoup, mais il faut faire des efforts. C'est la base dans la vie si on veut accomplir quoi que ce soit, si on veut passer son permis, si on veut monter un projet, si on veut passer un diplôme ou quoi que ce soit, ou maintenir son couple, ou dans tous les secteurs de la vie, ou avec la famille, ou quoi, il faut faire des efforts pour maintenir les choses. Et aujourd'hui, on ne veut plus faire d'efforts, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui s'effondrent un peu. Et le yoga est une voie qui est censée nous redonner ce capital volonté pour pouvoir pas juste être bon dans des postures incroyables, mais surtout pouvoir être un meilleur citoyen, une personne plus équilibrée, heureuse, parce qu'on arrive à prendre en main notre vie, à mettre en place des changements pour avancer. Ce qui est rassurant dans ce que tu dis, Mathieu, c'est qu'on retrouve dans énormément de thérapies, discipline plus adaptation finalement. C'est ça, c'est de la discipline et de l'adaptation. C'est apprendre aussi à s'écouter et faut faire attention aussi à pas rentrer dans une pratique trop sèche, trop justement disciplinaire et culpabilisatrice de « j'ai pas fait ma pratique » ou quelque chose comme ça. Il faut aussi que ça reste connecté avec notre réalité, notre vie, nos possibilités aussi dans la vie en fonction de notre agenda, de notre disponibilité. Et puis apprendre à s'écouter surtout et à ressentir ce qui se passe en nous. C'est cultiver une sensibilité aussi, le yoga. C'est de la volonté, mais c'est aussi de développer cette sensibilité de ce qu'on ressent, de ce qui se passe en nous, de notre relation aux autres, des émotions qui peuvent monter dans une posture ou des choses qu'on traverse au quotidien, se questionner sur pourquoi je vais pas bien, d'où ça vient, et puis essayer d'avoir un regard dessus et une finesse, une compréhension. C'est pour ça, la volonté, c'est aussi du discernement, c'est aussi la capacité de se voir soi-même un peu mieux, de mieux se comprendre et donc de pouvoir trancher un peu plus avec les choses qui nous éloignent du bonheur. C'est l'étymologie du mot gourou d'ailleurs. Gourou, c'est celui qui tranche l'ignorance en fait. L'ignorance, c'est le fait de pas se connaître assez en fait soi-même. Il est censé être là, le gourou traditionnellement dans les sociétés indiennes, pour le coach on peut dire, pour nous éloigner de cette ignorance et nous apprendre à nous connaître mieux nous-mêmes pour pouvoir avancer. Donc c'est un coach en fait, le gourou normalement. Et c'est important de rétablir cette vérité, parce que gourou, on entend tout de suite secte, et le yoga n'est pas une secte, c'est important, même si les gens l'utilisent parfois. On dit aussi souvent Maitri. Maitri, c'est, on l'a traduit après par le maître, mais étymologiquement, Maitri, ça veut dire l'ami. Donc en fait, le maître en Inde, c'est celui qui est censé être ton ami. L'ami, c'est celui qui est capable de t'engueuler et te dire « là, tu merdes, faut... » Et il te remet sur la bonne voie, mais c'est à toi de faire les efforts et le travail pour avancer. C'est pas lui qui fera le travail à ta place. Je trouve ça très intéressant, personnellement. J'avais une autre question. On parle du yoga, mais est-ce qu'il y a aussi l'Ayurveda? Est-ce qu'il y a aussi une importance dans les cours de yoga? Est-ce que vous parlez d'Ayurveda parfois ou pas? Nous, on en parle un petit peu. Le yoga, c'est vraiment le travail sur la conscience. L'Ayurveda, c'est tous les outils qui vont nous permettre de maintenir un état d'équilibre au niveau de la santé. Donc c'est l'utilisation des plantes, principalement l'utilisation de la nourriture quand même, adapter la nourriture en fonction de notre type, de nos besoins, et certaines pratiques aussi, mais qui viennent du yoga. On dit que le yoga, l'Ayurveda, c'est vraiment deux sciences sœurs qui se complètent et qui s'apportent des outils mutuels pour avancer. Donc l'Ayurveda, c'est vraiment l'approche santé-bien-être par la pharmacopée des plantes, c'est que du naturel évidemment. Et puis par une certaine hygiène de vie aussi, à travers comment bien démarrer la journée, comment nettoyer un peu son corps des toxines, à travers plein de choses. Donc ça va ensemble, ouais. Donc l'Ayurveda, finalement, comme une sorte de diététique naturelle, un petit peu, enfin, ça renforce finalement un petit peu le yoga, si ouais, on en pratique. C'est ça l'idée? Complètement. La première étape de l'Ayurveda, ça va être de trouver un équilibre un peu dans la santé. Et l'étape un peu plus avancée aussi, ça va être l'utilisation parfois de certaines plantes. Alors on n'est pas sur des trucs chamaniques, psychédéliques ou quoi, c'est vraiment des plantes qui vont au contraire un peu booster, stimuler le cerveau, stimuler le système immunitaire, stimuler notre concentration, des choses comme ça, pour pouvoir mieux méditer. Et donc ouais, l'étape après de l'Ayurveda, c'est d'essayer d'optimiser un peu notre potentiel pour pouvoir mieux méditer, pour pouvoir mieux pratiquer le yoga derrière. Eh ben c'est super intéressant, on pourrait t'écouter toutes les journées, et du coup ça m'amène à comment on peut vous retrouver, te retrouver, faire des cours, apprendre justement cette pratique et en faire petit à petit son art de vivre. Eh bien, sur notre site, déjà sur Ya World, s'il y en a qui nous écoutent ailleurs aussi, on n'est pas que à Tours, mais moi je donne des cours à Tours. Pour l'instant, on est au 49 boulevard Preuilly, dans un studio voilà, très lumineux. Et il y a des cours toute la semaine, du lundi au samedi, et des événements souvent le week-end. Et quel genre d'événements vous faites? Par exemple, des yoga brunch, c'est des moments un peu d'échange et de partage. Il y a des séances de yoga un petit peu plus approfondies où on prend 2 heures pour vraiment rentrer dans la méditation, le pranayama, la respiration, les postures, décortiquer, approfondir certains points du yoga. Ou des ateliers à thème sur un sujet particulier. On fait ce qu'on appelle des cafés-causeries aussi, où on va parler un peu plus. Enfin là, on va juste parler de philosophie, des questions-réponses, des échanges sur toutes les théories et la connaissance autour du yoga, en lien avec notre expérience aussi. Voilà, des choses comme ça. On peut aussi vous retrouver sur certains réseaux, même si on évite de rester scotché toute la journée dessus. Ouais, bien sûr. Au moins, il y a les actus de nos événements. C'est un peu comme ça qu'on communique sur ce qu'on fait. Donc oui, sur Facebook, Instagram, sur Yatour. C'est là où on met un peu toutes les infos sur les prochains événements. C'est super chouette tout ça. Et j'ai vu aussi que régulièrement, vous organisiez, enfin Surya World organise des voyages. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces voyages ? Ouais, bah, toujours dans l'idée de prendre soin de soi et de se reconnecter un petit peu à la source. Le voyage, c'est du dépaysement, mais c'est aussi et surtout pour nous dans l'approche du voyage. C'est pas des voyages organisés dans le sens tour opérateur, c'est plutôt des voyages où on propose une expérience principalement à nos élèves, en fait, de se retrouver dans un cadre où ils vont pouvoir expérimenter un petit peu plus ce retour à soi à travers des pratiques qui font du bien, à travers l'Ayurveda aussi, parce qu'il y a un programme en général autour de l'Ayurveda avec des massages ayurvédiques, des consultations avec des médecins ayurvédiques, des pratiques, une alimentation ayurvédique, des choses comme ça. Donc c'est des voyages orientés sur la santé, vraiment se remettre en forme intérieurement, physiquement et moralement avec des pratiques qui viennent principalement de l'Inde, quoi, yoga, l'Ayurveda. Donc c'est des voyages introspectifs mais aussi fraternels, en tout cas à la cool, où l'idée c'est aussi de passer du bon temps avec des gens sympas et de pouvoir partager des choses qui vont nous nourrir. Ça a l'air super chouette, c'est pareil, donc c'est des infos qu'on peut retrouver sur Facebook, Instagram et sur le site Surya World, Surya Tour. Tout à fait. C'est génial. Est-ce que tu nous as parlé aussi de solidarité ? Pour moi, c'est aussi important de pouvoir faire un peu votre tremplin. Comment on peut retrouver vos actions finalement ? Est-ce que les gens peuvent aussi tout simplement s'investir avec vous ? Bien sûr, ouais, ça fait partie des statuts de l'association, de faire des actions autour de la solidarité en local et à l'étranger. On mène des actions ponctuelles avec des associations, avec certains événements qu'on fait de temps en temps. Donc là, c'est des choses où il faudra nous suivre sur les réseaux si on veut nous rejoindre ou nous contacter. Après, il y a des choses plus pérennes qu'on organise surtout sur la gratuité, parce que pour nous, c'est important de pouvoir permettre aux gens de faire du yoga même s'ils n'ont pas les moyens. Donc on a mis en place un cours cette année qui est sur donation libre. Donc il y en a qui payent ce qu'ils peuvent, il y en a qui viennent gratuitement parce que voilà, c'est un cours ouvert à tout le monde. Et puis on fait un événement aussi par mois autour du yoga et du brunch là, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est gratuit aussi pour pouvoir permettre à des gens de se retrouver, d'avoir du lien social aussi sans qu'il y ait forcément à mettre la main à la poche. Donc ça, c'est un peu ce qu'on fait de façon pérenne toute l'année. Et sinon, oui, c'est des événements, on fait des choses à Noël, on fait des choses quand il y a des événements, avec l'Ukraine on a intervenu, il y a eu des inondations en Inde du Sud récemment, donc on a fait une levée de fonds pour ça aussi, donc c'est quand il se passe des événements aussi dans le monde, on essaie de faire des choses, et puis on travaille avec des associations aussi en local, avec Entrée des Solidarités notamment, on donne des cours pour les jeunes migrants, évidemment des cours gratuits, mais pour pouvoir leur permettre aussi d'avoir accès à des choses auxquelles ils n'iraient pas forcément. Eux, c'est surtout foot. Donc là, on les ramène un peu vers un rapport au corps, une reconnexion au corps, des choses comme ça. Donc Entrée des Solidarités, on a travaillé pas mal avec Utopia aussi, avec la table de Jeanne-Marie, enfin voilà, avec des associations locales qui font des choses super, et puis, qui ont besoin des coups de main souvent, et puis de liens avec d'autres assos. Donc on essaie de faire des connexions aussi avec d'autres assos pour faire des choses utiles. En tout cas, essayer de jouer un peu notre part, de faire notre rôle à notre petite échelle. C'est super chouette, donc n'oubliez pas, vous pouvez aller donc sur le site Surya Tour, sur Facebook, Instagram, Surya Tour, Surya World, vous aurez toutes les informations, planning, solidarité, etc., etc., profitez. Et est-ce que pour finir, tu aurais un conseil de bien-être ? Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens à part venir dans tes cours ? Je pense que l'un des problèmes majeurs chez nous aujourd'hui, c'est qu'on vit dans une société qui est très rapide. On fait beaucoup de choses et ça a souvent un impact, cette suractivité, pas que sur la respiration, aussi sur le mental, sur plein de choses. Mais en tout cas, on le voit souvent dans la respiration, les gens respirent mal. On a une respiration qui est souvent très courte et superficielle. Donc je dirais le premier pas, si on veut se reconnecter, et puis ça va faire le pont avec la sophro aussi, c'est de revenir à une respiration un peu plus consciente et plus profonde. Donc si on n'a pas le temps de faire de la pratique de posture ou quoi, déjà mieux respirer, c'est important. Aller dans un parc ou même le faire sur son lit chez soi au réveil ou avant d'aller se coucher et bien respirer, donc c'est-à-dire essayer d'allonger la respiration et de faire vraiment rentrer l'air au fond des poumons, de retravailler un peu sur le mouvement du diaphragme, de bien se réoxygéner, c'est vraiment important. Il y a plein d'exercices, on peut retrouver de la cohérence cardiaque sur internet ou des choses comme ça. Ça déjà, ça joue beaucoup sur le bien-être, mieux respirer. Excellent conseil. Johan, un dernier petit point ? Non, moi j'ai rien à dire. Mathieu a tout dit pour moi. T'as l'air épanoui, on dirait que t'es prêt à monter sur ton tapis. Là, moi je suis prêt au yoga. Je vais respirer et très profondément. Merci Johan, merci Mathieu pour cette superbe chronique et j'espère vous revoir bientôt sur les ondes. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Également, un grand plaisir. Bonne journée. La chronique bien-être.